Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, le marché, c'est un contre-jour de l'exo. In R.I.G. 90.7. Tout le monde, c'est la saga des Fab Four numéro 394, une spéciale McCartney qui va durer 2h30. On est ensemble au moins jusqu'à 22h30. Je vous ai proposé ce soir, en l'honneur de Paul McCartney qui est en ce moment même en train de lancer sa première chanson qui doit être Hard Day's Night à Paris, au Liu Arena, donc à Paris. Eh bien, moi je vous ai proposé mon concert à moi, celui que j'aimerais entendre, et notamment les premières chansons. Je vous propose d'écouter ça. Je vous dis, dites-lui à McCartney, quoi. Dites-lui que ce serait drôlement bien de chanter ça à sa prochaine tournée. Ou même là, maintenant, s'il veut. Là, il part sur une autre ville et puis ça, il travaille ça et il le fait. Ce serait génial. En plus, il pouvait dire que c'est grâce à la saga des Fab Four et à moi-même, Thierry Gallet. Je serais ravi. En tout cas, on va essayer de garder le moral puisque nous sommes à Bordeaux. Nous sommes sur le 90.7 pour ceux qui écoutent en FM. Pour tous ceux qui écoutent ailleurs, même sur Bordeaux, mais dans le monde, dans l'Europe, dans le monde, dans l'univers peut-être, c'est sur www.rigfm.fr que l'on doit écouter. Je vous propose, à ceux qui le souhaitent, de me retrouver sur Facebook. Il y aura d'ailleurs des images en direct du concert de Paul McCartney, puisque ça a déjà démarré sur la saga des Fab Four, le groupe, sur Facebook. Pour le reste, eh bien, on va passer 2h30 ensemble et j'espère que ça vous plaira. Je vais parler de temps en temps, pas souvent, mais je vais vous faire un très beau concert, j'espère. Voilà, c'est tout. Je me tais, place au concert et bonne soirée à vous tous et toutes. Dans mon concert virtuel, on est à Opening Station, extrait de son dernier album, et Paul McCartney va apparaître sur scène d'une seconde à l'autre, c'est sûr. to the right, I didn't know that I would find. Hey! Another road where maybe I could see another kind of mind. Hey! Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you? Just a hold you. In time, you need to get me my due and we'll hold you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me. Say we'll be together every day. Got to get you in. What can I do? What can I be? When I'm with you, I wanna stay there. But if I'm true, I'll never leave. And if I do, I don't go away. Then I suddenly see you. Concert démarré tambour battant avec We Rockin' Tonight et So Glad to See You Here et Got to Get You Into My Life à l'instant. Maintenant c'est Every Night sur RIG 90.7, la radio des Beatles, un spécial McCartney en live ce soir. Just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I wanna play out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in. Stay, be with you. I wanna be with you.

dès le début du concert, une chanson extraite de son dernier album, Egypt Station, I Don't Know, qui sonne très très bien en concert, il n'y a pas de problème. Et là, retour en arrière très très loin du premier, des premiers albums des Beatles, Till There Was You. RJ 90.7 et c'est un concert virtuel que je vous propose en hommage à Paul McCartney qui actuellement, j'ai vraiment pas le moral aujourd'hui, à Paul McCartney qui est actuellement à Paris en train de faire le concert. carnet. Il est à deux endroits à la fois, et à Paris et ici à Bordeaux, sur l'antenne de RIG dans la saga des Fab Four. She's Le prochain invité qui monte sur scène, c'est Ringo Starr. Ringo Starr, invité par Paul McCartney. C'est génial en concert. Le rêve. Chanter sa chanson tout seul, mais il invite Paul McCartney à chanter une chanson avec lui. Et cette chanson, ça va être une chanson extraite de l'album Why Not de 2010, Walk With You, avec Paul McCartney. And

avoué que ce serait bien Ringo Starr qui monte sur scène avec Paul McCartney pour chanter trois chansons. L'habituel, on va dire, Photograph, qu'il chante tout le temps lorsqu'il est en tournée, Ringo Starr. Et puis, les deux chansons sur lesquelles on peut entendre Ringo et Paul, Work With You et We're On The Road Again, extrait du dernier album de Ringo Starr, qui s'appelle Give More Love. Puisqu'on est aux hommages, nous allons rendre hommage, enfin, Paul va rendre hommage à George Harrison avec la chanson qu'il avait reprise pour le concert for George. Ça nous change un petit peu de celle qui nous reprend, qu'on aime bien, mais qui nous reprend tout le temps. Voici All Things Must Pass. Il pourrait également reprendre My Sweet Lord. Il peut reprendre ce qu'il souhaite, Paul McCartney. Vous êtes sur RIG 90.7. C'est la saga des Fab Four jusqu'à 22h30. Et là, il y a du monde sur cette chanson-là. Il y a Eric Clapton et tant d'autres copains de George Harrison. Paul se rend au piano pour une chanson bien spéciale. All that stays. station. Find the right boy for the right girl. When all our friends have gone, en concert à Paris, il est également en concert ici sur 90.7, la radio des Beatles. C'est la saga des Fab Four qui vous propose cette magie, le fait d'avoir McCartney à deux endroits en même temps, une fois à Paris et une fois à Bordeaux. Et une fois à Bordeaux, puisque nous retransmettons et sur 90.7 pour la FM et sur www.rgfm.fr pour le reste du monde, on va dire que Paul McCartney est partout dans le monde par le biais de la radio, et un peu plus tard, dans deux ou trois jours, par le biais du podcast. Voici la suite du concert que j'ai imaginé de Paul McCartney sur RIG. At the time, the inclination, I have answered your invitation. I'll be leaving in the morning. Watch me go. Certain, that's the only thing I know. Do it now, do it now, while the vision is clear. Do it now, while the feeling is here. If you leave decision that I'm making is the Find all these hopeless frogs sleeping on my knee. She could be this one's for your mother. Nous faisons hommage à Paul McCartney en faisant un concert tel qu'on aimerait l'entendre également avec des titres différents ou pas, d'une tournée éventuelle qui passerait par Bordeaux. Ici, c'est Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band tel qu'il avait fait en 1989. Un bijou. Thank you. Et Paul McCartney avait rendu hommage à John Lennon avec trois chansons. Strawberry Fields Forever, Help dans sa version d'origine, lente, avant que George Martin lui dise accélère, ça va donner un hit, et ça a fait un hit. Et Give Peace a Chance, on va écouter ça, c'était à Liverpool il y a quelques années, c'était en 1990. Ah, thank you, thanks a lot. Still enjoying yourselves? Can you tell you what? We've learned up a little special thing, especially for Liverpool here. And maybe you're going to help us out with it and sing along with it if you know the words. This is just a little tribute to someone we loved dearly. 2, 3, 4. I'm going. sur RIG 90.7, nous avons décidé ce soir, puisque Paul McCartney est en concert réel à Paris, de faire un concert virtuel dans la saga des Fab Four, un concert que j'aimerais entendre Paul chanter avec, alors bien sûr des chansons connues, mais des chansons qu'il n'a jamais chantées ou si peu souvent aussi en live, comme celle qu'on vient d'entendre à l'instant, Same Love. Ou d'autres encore, par exemple une jam qui plaît beaucoup à notre copine Julie, je pense qu'elle va adorer lorsqu'elle entendra ça dans le podcast. Rappelez-vous, India, je l'adore aussi cette chanson-là, elle est merveilleuse, tu la fais quand tu veux en live, Paul McCartney. Tous ensemble sur le refrain India, je compte sur vous. RIG 90.7, la radio des Beatles. C'est la saga des Fab Four jusqu'à 22h30.

McCartney en concert, Let Them In. Et la chanson suivante va vous rappeler également, il y a quelques années, oh déjà une quarantaine d'années, qu'est-ce que ça passe vite. Coming up before was recorded the Apollo. This next wee songy was recorded also in Scotland. Chanson qui a été enregistrée en Écosse. Mull of Kintyre en live, s'il vous plaît. Bye. 90.7, la radio des Beatles. Dans mon esprit, Paul McCartney, à 76 ans, avait besoin, au bout de 1h52 de show, de nous faire, de se faire une petite, un petit moment tranquille. Un petit moment où il ferait, par exemple, un instrumental, oui. Et même, pourquoi pas, quelque chose qu'il n'a jamais joué sur scène, comme, par exemple, celle-ci. Enfin, cette instrumentale-là. Le morceau s'appelle Squid. C'est plutôt sympa. trouvez que c'est de la bonne musique, c'est normal, c'est surérigé. C'est la saga des Fab Four, numéro 394. Une saga consacrée à Paul McCartney en live, que ce soit du vrai live ou quelquefois du live un petit peu arrangé, comme cette chanson qui est en principe sur un disque solo, un disque de 1986, un disque studio, je voulais dire. Et voici Getting Closer en live. Your mind will scream, wife, oh, wife, oh, radio play. Carnet, toujours sur scène à Paris et également dans la saga des Fab Four, puisque je vous propose un live virtuel avec des morceaux qu'on aime, qu'on aimerait réentendre sur scène, ce serait bien, comme par exemple celui-ci, Magneto and Titanium Man, sur la RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. this morning, the sea was not in sight. Got my pen about it, but all the lip were tight. The sea, oh, baby, standing by my home. I'm speaking to you, man. We don't even know. This morning, the sea was not in sight. And my friends are funny, but I'm only living tight. The sea, he's not bad where you belong. I don't believe it. I'm speaking to you, man. Wrong, doing it all wrong. Come on. La dernière chanson de ce concert spécial, Paul McCartney, en réponse au concert qu'il fait réellement à Paris, qui va se terminer probablement d'ici une grosse demi-heure. Nous, c'est encore 5 minutes et ce sera tout. C'est des love songs pour bien se rappeler que l'amour, c'est nécessaire pour tout le monde, y compris moi. c'est terminé. Je vous avoue que si j'avais eu un moral meilleur, j'aurais inventé une histoire comme je faisais à chaque fois. Mais là, ce coup-ci, je ne me suis pas rendu compte au début combien j'ai regretté de ne pas être à Paris avec tout le monde en train de regarder et d'admirer Paul McCartney, que j'aime tant. J'ai eu vraiment pas le moral d'être ici, mais vous m'avez soutenu sur Facebook. Et puis vous étiez là, ceux qui êtes sur 90.7 également. Donc merci à vous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour, dans de meilleures conditions, c'est certain. Pas d'Eric, là, puisque on a débordé quand même de 32 minutes, l'air de rien. Mais on se retrouve la prochaine fois, promis, je ne sais pas avec quoi, on verra. Je rentre et je vous souhaite une très très bonne nuit. À bientôt, salut, ciao. Yeah.